Hey jeune, laisse ta console, jette ton mobile, ne mange plus dans les fast-foods. Ouvre-toi au monde. Écoute British Connection, l'émission rock qui t'aime et prend soin de toi. Salut, c'est Thierry Boucanier dans British Connection. Je vais vous parler aujourd'hui du mouvement gothique et du dernier livre que j'ai sorti aux éditions Camion Blanc et qui s'intitule Goth, histoire d'une subculture. Goth, gothique, oui, c'est des mots qui font encore un peu peur pour le grand public, qui s'imagine beaucoup de choses souvent fausses, car ce mouvement a toujours cherché à se protéger au maximum, en restant le plus caché possible. Et les looks tout en noir, c'est vrai, la musique souvent sombre, assez sinistre, ça peut sembler un petit peu hermétique pour les néophytes. Mais pourtant c'est un milieu extrêmement riche, qui est porté sur l'art de bien des manières différentes et qui s'apparente de nos jours à ce qu'on pourrait appeler une véritable culture souterraine, méconnue et incomprise, je crois, mais qui puise pourtant ses sources dans l'histoire de la musique et de la mode, bien entendu, mais aussi de l'architecture, de l'art, du cinéma et de la littérature. Personnellement, j'ai découvert ce milieu dans les années 80 à Londres, qui est le berceau de la musique donc dite gothique ou post-punk, comme on l'appelait alors. Le mouvement punk s'était déjà essoufflé et c'était les débuts de la New Wave, quelque chose d'un peu plus léger et plus festif. Mais en Angleterre, en plein air de récession économique sous l'ère Thatcher, ça convenait pas forcément à tout le monde et certains se sont penchés sur quelque chose de plus sombre, anticonformiste, mais plutôt intriguant dans ses tout débuts. Et moi j'ai voulu refaire à Paris alors ce que j'avais vu à Londres, et les premières soirées d'ensemble gothique du Boucanier sont nées à ce moment-là. J'en étais donc l'organisateur, mais aussi le DJ, avec tous les disques vinyles que j'avais ramenés pour la plupart de tous mes voyages de l'autre côté de la Manche. Et comme la musique, c'est aussi le live et les concerts, avec les groupes qui faisaient vivre ce nouveau mouvement, je me suis rapidement lancé dans l'organisation de concerts également à Paris. Ce que je continue aujourd'hui à faire encore, dans des salles comme par exemple le Bus Palladium ou le Gibus, avec les plus grands du mouvement, qu'on pourrait citer Christian Death par exemple, The Mission, Clan of Zymox, Skeletal Family, Peter Murphy de Bauhaus, encore les Chameleons, Sex and Children, les Crush Shadows aussi, les Banana Never, et puis beaucoup d'autres. En fait, la musique qu'on dit gothique, elle englobe beaucoup de styles différents. Ça va du Bad Cave et du post-punk au Death Rock, à la Cold Wave et même au Cyber Goth, et c'est aussi ce qui fait sa richesse et sa longévité depuis le début des années 80. Le fait d'avoir baigné dans ce milieu depuis ses tout débuts et d'en être devenu peut-être l'un des acteurs, si je puis dire, en organisant des événements, ça m'a donné aussi l'envie d'écrire ce livre, afin de mieux comprendre d'où vient ce mouvement, quelle a été son évolution, et peut-être aussi de donner quelques clés à une meilleure compréhension de ce milieu pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Et cet ouvrage, il est destiné en même temps aux personnes qui le connaissent très mal, qui souhaitent comprendre un peu mieux ce milieu qui est parfois difficile d'accès, c'est vrai, qu'aux habitués des ambiances sombres qui aimeraient se replonger dans leurs souvenirs, peut-être découvrir un groupe de musique qui avait marqué ce mouvement, ou même avoir envie de retourner visiter une exposition sur les Préréa Fali, Jérôme Bosch, des artistes qui ont quelque chose un petit peu à voir avec ce milieu sombre, ouvrir un vieux livre d'Edgar Poe, de Bram Stoker par exemple, voir un vieux classique du cinéma d'horreur, ou même, pourquoi pas, passer le seuil d'une vieille église gothique oubliée juste pour en admirer l'architecture. Je vais vous proposer d'écouter un premier groupe bien connu, qui s'appelle Siouxsie and the Banshees. Le groupe, il a été formé en 76 en Angleterre. Sa chanteuse, Siouxsie Siouxsie, c'était une groupie des Sex Pistols au tout début, le groupe phare du punk. Puis elle a formé son propre groupe, avec d'ailleurs Sid Vicious au début comme premier batteur. Elle est vite devenue avec The Banshees l'une des artistes les plus influentes de la scène rock anglaise, et l'égérie même du mouvement gothique à cause de son look et du climat sombre et froid de ses disques. Voici le morceau Spellbound, sorti en 1981 et qui reste toujours un grand classique pour danser en soirée gothique. On se retrouve après. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. You have no choice, you hear. British Connection, l'émission rock qui égorge ta tête. Le livre Goth, histoire d'une subculture, développe donc toutes les facettes de ce qui a fait que le mouvement Goth puisse être défini comme une culture à présent, même si, comme son titre l'indique, elle reste souterraine, cachée et parfois obscure. Ce mouvement est tellement incompris qu'il fallait, à mon avis, remettre les choses en place, en commençant déjà par expliquer quelles sont ses racines étymologiques, ses inspirations artistiques, que ce soit dans l'architecture des cathédrales, la littérature du XVIIIe siècle, dans la peinture, la sculpture du Moyen-Âge, de la Renaissance, l'évolution de la mode vestimentaire, qui reste un point important bien sûr de cette culture, ou encore de ses récupérations dans des médias comme le cinéma. Le but de ce livre, c'est donc de tenter de comprendre ce qui relie les noms comme Mary Shelley, Bram Stoker, Eugène Viollet-le-Duc, Jérôme Bosch, Bela Lugosi à d'autres comme Siouxsie, Joy Division ou Bauhaus. Cette culture ne se réduit en effet pas seulement à la musique et à la mode, elle est extrêmement riche et complexe et le but de ce livre est d'en rappeler les différents aspects. Le livre démarre avec le chapitre sur l'architecture gothique, qui évoque bien entendu les cathédrales médiévales et leurs carcouilles inquiétantes, mais aussi des vieux cimetières, des ruines abandonnées, des manoirs inquiétants, des caveaux et catacombes obscures, des cryptes macabres éclairées à la torche, de vieux monastères mystérieux, bref, le style de bâtiment qu'on peut retrouver en fait dans les vieux films d'horreur. Tout ça donne une impression lugubre de vieux secrets païens oubliés, et réveille les anciens mythes et les croyances ancestrales. Ce mélange de romantisme, d'occultisme, de goût pour l'étrange, le bizarre et les vieilles croyances oubliées a donné naissance sans suite à ce qu'on a appelé la littérature gothique du XVIIIe siècle de Horace Walpole, William Beckford, Anne Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Charles Robert Maturin ou encore même Jacques Cazot. Et ce même mouvement littéraire, il a inspiré par la suite d'autres écrivains comme Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Bram Stoker ou Oscar Wilde, et les mythes de Frankenstein et Dracula sont nés, entre autres. Ce qui explique bien sûr que tout soit maintenant finalement lié dans la culture gothique. L'art des ténèbres a un petit peu toujours fasciné, et des artistes comme Ian Curtis de Joy Division, Peter Murphy de Bauhaus ou Rose Williams de Christian Death n'ont jamais caché leur fascination pour des poètes maudits comme Baudelaire, Lautréamont ou des peintres romantiques comme les Pré-Raphaélites. Au niveau après vestimentaire, la mode des rebelles a évolué, depuis celle des dandys de la Renaissance en passant par les blousons en cuir noir des bikers, les épingles à nourrice des t-shirts de la boutique Assault, d'Ian Westwood, de Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols à l'époque, jusqu'aux boutiques actuelles vendant tous les accessoires sombres et décalés de la panoplie gothique complète. Les tenues vestimentaires du public, elles, ont toujours été copiées sur celles des stars musicales, bien entendu. On peut citer Sid Vicious, par exemple, Robert Smith des Cure, Siouxsie ou Johnny Slott des Specimens. Donc oui, à mon avis, tout est lié. Sans les gargouilles et les chimères des cathédrales qui avaient permis de renouer avec les mythes oubliés de l'Antiquité, les peurs ancestrales du Moyen-Âge, Bram Stoker et Edgar Poe, par exemple, n'auraient jamais imaginé les monstres et créatures terrifiantes qui ont fui leur succès. Et sans les vampires et les récits de maisons hantées et de sombres malédictions, il n'y aurait sans doute pas eu la musique dite gothique et tous les groupes qui y sont affiliés à présent. Maintenant, je vous propose d'écouter un second groupe très important pour le mouvement gothique qui s'appelle les Sisters of Mercy avec le morceau Lucrecia, My Reflection, qui est sorti en 1982. It's on the rock, British Connection! We'll be right back. y a une femme là-dessous. Non. Il y a une femme là-dessous. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Un homme? Un homme. Philippe de British Connection, il vous aura tous. C'est vrai que ce livre, qui retrace l'histoire, la richesse de la culture gothique, il parle d'architecture, d'art, de cinéma, de littérature, de mode. Mais il faut reconnaître que de nos jours, ce qui reste à la base du mouvement, c'est quand même bien la musique. Comme je le disais, le goth, il est né d'un mélange de punk, de new wave, de néo-romantique à Londres au début des années 80. Et le berceau de cette nouvelle mode musicale, c'était une boîte de nuit qui s'appelait le Batcave, dans laquelle tous les premiers groupes pouvaient venir se produire en concert. Et on pourrait citer des noms comme Alien Sex Fiend, à l'époque The Specimen, Theater of Hate, Christian Death, Seth Gone Children, Flesh for Lulu, Living Texas, Daniel Dax, qui furent tous à l'origine du mouvement. Et à côté de ça, par contre, on avait quand même déjà des groupes comme Joy Division, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, The Damned, Birthday Party, Public Image, ou encore les bien connus The Cure, qui ont influencé énormément de monde et ont tous été très précurseurs dans leur manière d'aborder la musique, toujours liée à une imagerie, un univers très sombre. Dans la boîte, le Batcave, on était accueillis par des toiles d'araignée, une guillotine à l'entrée, des fausses chauves-souris accrochées au plafond, des accessoires de films d'horreur. Bref, on était directement dans l'ambiance de la musique, et les gens ont alors commencé à s'habiller en noir, à se crêper les cheveux, porter des bijoux avec des têtes de mort, à détourner des objets religieux ou mystiques, et à créer des vêtements de plus en plus fous, originaux. Et une véritable scène musicale est née dans cet endroit qui mélangeait le son et l'image, en prenant comme référence le cinéma d'épouvante des années 50 à 70. Avec Joy Division et The Cure, surtout, est né un autre style de musique pourtant apparenté au mouvement gothique qu'on a appelé en France la Cold Wave. C'était quelque chose de beaucoup plus froid et désabusé, mais cette musique a connu énormément de succès et est encore représentée aujourd'hui par des groupes comme les Banana Nover ou She Passed Away par exemple. Et puis on a le Gothic Rock, The Sisters of Mercy, de The Cult ou de New Model Army, des groupes qui tournent toujours, qui connaissent un succès vraiment planétaire depuis des décennies. Après, on pourrait parler aussi de musique industrielle, avec entre autres Anchors and the Neubauten, ou des groupes comme Marilyn Manson, Rammstein, Rob Zombie, Ministry, qui restent très appréciés dans le milieu gothique, même s'ils s'éloignent un peu de ces clichés. Enfin bref, c'est une scène musicale foisonnante et extrêmement riche, et le livre Goth, Histoire d'une subculture, tente d'en apporter une meilleure compréhension dans sa globalité. En dehors de la sortie récente donc de ce dernier livre, j'ai bien entendu de nombreux concerts de groupes mythiques gothiques assimilés prévus en 2021. Donc vous pouvez retrouver la liste et toutes les dates sur ma page Facebook, en espérant que la situation elle revienne rapidement quand même à la normale et que les salles de concert puissent rouvrir prochainement, c'est tout ce qu'on espère. Pour finir, je vous propose d'écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle les Virgin Prunes. Assez différent du reste, il s'agit en fait d'un groupe irlandais qui a grandi aux côtés de U2. Mais qui s'est rapidement orienté vers un aspect beaucoup plus artistique, plus théâtral et tribal que leurs amis. Ils ont démarré en 77 à Dublin, et ils ont acquis très rapidement une réputation assez sulfureuse à cause de leurs shows plutôt déjantés et provocateurs. Ils sont séparés maintenant depuis un moment, mais ils sont devenus assez iconiques pour le mouvement gothique. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur la Virgin Prunes, j'ai écrit un livre sur eux il y a quelques années, toujours aux éditions du Camion Blanc. On écoute tout de suite le morceau Caucasian Walk qui date de 1982. Un grand merci à British Connection et n'hésitez pas à venir me retrouver sur ma page Facebook Le Boucanier. Salut tout le monde. Merci Thierry vraiment infiniment pour ces 20 minutes passées ensemble. On a appris tellement de choses. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, vous pouvez acheter son bouquin Goth. Violence, I'm sailing those streets. gothique, c'est British Connection. Rock vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine, celui de Music on Hold, sorti sur Born Bad. Voici le second morceau. Bonjour, c'est Music on Hold. La prochaine chanson qu'on écoute s'appelle No Eagle Dares. Il y a un petit jeu de mots. Eagle en allemand, ça s'appelle I-G-E-L et ça veut dire hérisson. On aime beaucoup les animaux dans Music on Hold, les cochons, les ours, les singes, les chiens. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer Poppy de Nantes, qu'on a croisé à la lune froide. On t'embrasse, Poppy, et on espère que tu ne mâches pas trop de bouteilles en plastique. Bisous, tout de suite, No Eagle Dares. Going where no eagle dares. It's succeeding where